Alors, c'est une vue partielle du Fesnoz qui a duré tard dans la nuit. Est-ce que je voudrais qu'on signalait, et notamment en regardant ces bandes, peut-être que vous avez fait le même constat, c'est la vitesse avec laquelle une population assimile des données scientifiques, économiques et sociales. C'est très très rapide. À partir du moment où il y a une compréhension des objectifs, qu'il y a mouvement, etc., on assiste à un phénomène qui est quand même encourageant pour l'avenir. C'est qu'en quelques mois, une population peut acquérir énormément de connaissances. Je ne sais pas si vous avez eu ce constat. C'est fabuleux. Alors qu'on pense que ce sont des notions que les gens acquièrent difficilement, etc., et rapidement, ça peut se diffuser, voilà. Et c'est ce qui a fait que ces mouvements ont été très vivants. On voit dans le champ, c'est un syndicaliste, un porte-parole, ou c'est quelqu'un que vous avez rencontré? Non. Un simple participant au comité d'action. D'accord. Alors, pour Erdeven, lors de l'organisation du référendum, ce fut un non franc et massif contre la centrale de la part des pêcheurs, des maraîchers qui ont gagné la partie. Par contre, à Flamanville, ce fut oui, à cause de l'importance de la présence d'une importante population de salariés qui étaient menacés d'être au chômage à la suite de la fermeture d'une entreprise. Et donc, le oui a gagné. Et parce qu'il y avait le retraitement à côté, oui. Ils avaient déjà le retraitement à côté, donc oui. Alors, enfin, on peut faire le bilan que sur 200 centrales prévues, on n'en a eu que 58, oui. Je crois, au total. Oui. Alors, en fait, là, vous voyez, ce sont des gens vraiment, comment dire... C'est pas des spécialistes qui s'expriment. Alors évidemment, à chaque fois qu'ils disent des choses, c'est bien reçu par une population, quoi. Les mots sont simples, etc. Il y a une dizaine de personnes qui s'expriment et qui abordent à peu près tous les thèmes, quoi. Le problème de l'emploi, le problème de la dangerosité, le problème qu'est-ce qu'on va faire des déchets nucléaires, etc. Tout ça a été assimilé et s'est exprimé par des paysans, des paysannes, des maires lambda, etc. Donc là, ça a été un instrument de diffusion de toutes ces connaissances. Ça a été très utilisé. Hein. Alors que Buget, évidemment, c'est autre chose, quoi. Hein. C'est plus... Enfin, les comités locaux ont joué un rôle très, très important de formation. Il y a des agriculteurs qui se sont vraiment penchés dans l'étude des fonctionnements d'une centrale nucléaire. Oui. Et qui, lors de réunions comme ça entre les uns et les autres, on a filmé des réunions comme ça, où, effectivement, il y avait un attrait de la population, parce qu'ils parlaient la même langue. Ils disaient des choses scientifiquement évoluées, avec des mots simples. Voilà. Et avec des brochures d'illustration fournies par l'EDF. Voilà. Ouais. Et en se déclarant anti-scientiste. Ouais. Hein, très, très nettement. Et alors, il n'y a qu'à partir, après Erdeven, alors est-ce que c'est ça autre chose, c'est compliqué, il y a 400 scientifiques, alors à Jussieu, etc., Orsay, qui ont signé une pétition contre les centrales nucléaires. Avant, ils n'avaient pas bougé. Hein. Et alors, il faut dire que là, c'est la Bretagne entière qui s'est mise à refuser, avec Plogoff après, etc. Donc, c'était possible de s'opposer. Vous voyez, il y a eu un basculement. Voilà.